Les salles de cinéma, les théâtres, les musées pourront reprendre leur activité. Réouverture présumée des cinémas J-7. Je dis présumée parce que, au vu des dernières données qui sortent sur les cas de Covid, à mon avis, les salles resteront fermées. Dépression, voilà. Mais on va agir comme si elles ouvraient. Et donc, si vous ne savez pas quoi voir à la réouverture des salles, je vous conseille Drunk de Thomas Vinterberg. Jeg ved ikke, men jeg har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Jeg er i bil. Jeg skal bare have en dansk vand uden citrus. Uden citrus, ja tak. Ja. Kæft, det er godt, det her. Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft? Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Drunk, c'est le 11e long métrage de Thomas Vinterberg, donc il a quand même de l'expérience. Alors pour ceux qui connaissent pas Thomas Vinterberg, c'est un cinéaste danois, voilà, qui est connu pour son film Festen notamment, qui avait remporté le prix du jury à Cannes en 98. Récemment, le film qui a marqué les gens, c'est La Chasse, ou Jagten, dans son titre original. Et donc, il a fondé le Dogme 95. Alors, le Dogme 95, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement cinématographique lancé au Danemark, avec Lars von Trier, qui est un autre réalisateur danois, et donc Thomas Vinterberg, qui, en gros, est un mouvement qui vise à quelque chose de plus simple. Voilà. Parce qu'il commençait à voir un peu toutes les production américaine ou voilà tous les gros blockbusters qui utilisaient pas mal d'effets spéciaux, ils se sont dit mais ça c'est pas le cinéma que nous on veut défendre, donc voilà, ils ont vraiment essayé de faire un truc plutôt réaliste, voilà, c'est à dire par exemple dans les règles on a la caméra doit être portée à la main. Voilà, ou tout traitement optique ou filtre est interdit. Voilà, c'est ce genre de règles qui font que voilà, ça va créer des films un peu plus réalistes. Donc il y aura une sorte de label voilà, pour ces films-là, c'est-à-dire que sur les affiches, vous allez avoir le label Dogme 95. C'est pas de cal Drunk. Voilà, Drunk n'est pas labellisé, Drunk ne doit pas respecter toutes les règles du manifeste. Mais ça reste formidable. Voilà, je parlais de Mads Mikkelsen quand j'évoquais Jagten. C'est vraiment un acteur éblouissant, voilà, je pense que c'est un des acteurs de cette année. 2020, c'est l'année de Mads Mikkelsen, voilà, je vois pas qui pourrait lui voler en fait, il est absolument éblouissant dans le film. Alors, bien sûr, tout le monde est bon dans ce film, voilà, tout le monde est bon, ça joue extrêmement bien, essayez de le voir en VO parce que le danois ça rajoute vraiment quelque chose. J'ai trouvé ça assez marrant le fait qu'il y ait une connexion à Festen que j'ai remarqué, il y a un moment on a le personnage de Thomas Bollarson qui joue aussi dans Festen, qui dit c'est le même costume depuis Mété, et en fait Mété c'est le nom de sa femme dans Festen, et déjà dans Festen ça se passait pas très bien, lui c'était un peu le mec un peu colérique, donc on se doute qu'elle l'a quitté, mais du coup c'est assez marrant de faire des connexions entre les films comme ça, j'ai bien apprécié le petit clin d'œil. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas du tout dit de quoi parler le film, en fait c'est un groupe d'amis, voilà, ils sont au nombre de 4. Ils sont profs en lycée et leur vie stagne un peu, quoi, ça avance pas trop, ils sont pas épanouis, et donc à un moment ils vont se retrouver dans un restaurant et ils vont évoquer une thèse d'un philosophe norvégien qui dit que l'humain, en fait, il manquerait à l'humain naturellement 0,5 g d'alcool dans le sang pour atteindre son plein potentiel. Du coup, au début, ils sont « est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ?» Voilà, ils se tâtent un peu. Au final, ils décident de tester. Donc, ils se bourrent la gueule sur leur lieu de travail, voilà, accessoirement, qui est quand même un lycée, donc avec des mineurs. Voilà, je le rappelle juste comme ça. Et en fait, ils vont s'apercevoir que ça a plein de bénéfices. Et du coup, ils vont se dire « bah, les gars, pourquoi on resterait à 0,5 quoi ? Pourquoi on n'irait pas tâter un peu au-dessus ?» Et donc ça va un peu partir en cacahuète, voilà. Alors bon, les films de Thomas Vinterberg, c'est vrai que ça aborde pas tellement des sujets ultra joyeux. On a eu plusieurs fois la pédophilie, le viol aussi, le viol dans Festen, enfin Oui, c'est pour moi, c'est un viol dans Festen, je vais pas spoiler, mais voilà. On voit jamais de trucs vraiment choquants à l'écran. Voilà, c'est vraiment par les thèmes qui sont abordés que ça va être des sujets compliqués. Enfin, en tout cas pour Festen et Drawing, parce que j'ai vu que ces deux-là, voilà, il faut que je voie les autres. Il n'y a pas de trucs choquants à l'écran, quoi. Voilà. Du coup, c'est un film qui maîtrise parfaitement son sujet, voilà, ça je pense que c'était super important quand on décide de faire un film sur l'alcoolisme, de bien maîtriser son sujet, parce que c'est quand même quelque chose de délicat, c'est quand même un problème qui est relativement grave, voilà, donc là il n'y a pas de cliché en fait. En fait, je crois que les acteurs, j'avais lu qu'ils n'étaient pas bourrés, mais on se demande vraiment s'ils sont bourrés sur le tournage, tellement ça joue bien. Apparemment non. En tout cas, ils étaient pas bourrés comme leur personnage, quoi. Voilà. C'est un film qui va aussi un peu passer par tous les genres. Moi, je le caractérise comme feel good. Voilà. Je pense que c'est un film qui fait énormément de bien. Mais il y a quand même des choses plus dramatiques qui peuvent nous faire verser une larmichette. Voilà. Bon, forcément, moi, voilà, moi, oui, ça m'a fait pleurer, Drunk, et toute l'intrigue autour de Bino Clark, vous comprendrez en voyant le film, mais c'est vraiment ultra touchant, voilà, ce personnage de Bino Clark m'a vraiment touché. Il y a vraiment des moments drôles, mais genre, vraiment, il y a un moment où, je pense à un moment, genre, je crois que c'est vers le milieu du film, j'ai vu ça quand même quasiment à la sortie, donc ça remonte un peu, mais je crois que c'est vers le milieu du film, où il y a un moment des hommes politiques qui sont bourrés, et donc il y a ce fameux moment où tout le monde a cru que Sarkozy était bourré au G8, et il est là, vous avez des questions, j'ai trouvé ça vachement drôle, enfin, voilà, encore une fois, quand je raconte à l'audio, hors contexte, c'est pas drôle, voilà, mais dans le film, c'est très drôle. Voilà, c'est très très drôle dans le film. Voilà, c'est un film comédie, drame, qui est vachement bien réalisé, qui a une super belle image, surtout la scène de fin. La scène de fin, waouh, j'adore. J'adore la scène de fin, c'est une de mes fins préférées de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Il y a la musique que je vous mettrai en fin de podcast, elle risque de durer longtemps. L'extrait que je vous mets en fin de podcast, vous pouvez aller l'écouter. Voilà. Dans tous les cas, dans la description du podcast, il y a le nom de la musique. Mais vous pouvez aller l'écouter parce qu'elle est formidable. Ça s'appelle. Pardon, ça s'appelle One Life. Et si vous voyez le film, vous allez l'avoir genre dans la tête, mais pendant des mois et des mois. Voilà, moi j'ai vu le film mi-octobre. On est mi-décembre, enfin ça doit faire à peu près 2 mois que j'ai vu le film. Bon, un peu moins peut-être. Voilà, je l'écoute encore, je l'ai dans la tête. Enfin, elle est absolument géniale. Elle est absolument géniale. Et la dernière scène est absolument géniale, puisque Mads Mikkelsen fait ressortir son passé de danseur. Voilà, j'en dis pas plus. Mais bon, c'est vachement, vachement satisfaisant cette scène, c'est trop bien. J'ai bien apprécié le montage du film. On a tout un côté où ça va. C'est-à-dire que par exemple, il y aura plein de fond noir avec juste écriture blanche dessus qui va correspondre à ce que disent les personnages en fait, genre ou alors ça peut correspondre au degré d'alcool auquel ils sont. C'était quand même vachement vachement cool comme effet. Et après j'ai pas spécialement d'autres points qui me viennent en tête. Voilà, j'en parlais dans le podcast sur Adieu les cons hier. Si je devais vous conseiller un film à aller voir, ça se jouerait entre Adieu les cons et donc Bad Drunk. Voilà, pour moi, c'est deux des meilleurs films de l'année, tout simplement. C'est vraiment. Ah oui, je pense qu'il aura l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. J'espère que Mads Mikkelsen sera nommé pour le meilleur acteur parce qu'il se serait vraiment pas volé. C'est très dommage que What a Life soit pas une chanson qui ait été composée spécialement pour le film parce que j'aurais tellement voulu que cette chanson reparte avec un Oscar, mais genre. Tellement, ce serait génial. Oui, du coup, c'est une chanson qui a été, enfin, qui existait avant, mais qui correspondait bien par ses paroles au propos du film. Du coup, ils l'ont pris, mais du coup, ça peut pas rentrer dans la catégorie meilleure chanson originale, malheureusement. Donc voilà, c'est très dommage. Mais bon, après, voilà, si vous êtes un film étranger cette année, bah désolé, voilà, vous avez aucune chance. C'est Drunk qui l'aura. Et si c'est pas Drunk qui l'a, bah je comprends pas. Voilà. Bon, après, je dis ça, je sais pas qui est nommé. Je sais que Drunk représente le Danemark. Voilà, ça je le sais, c'est officiel. Je sais pas qui est nommé. J'ai pas vu forcément tous les films qui seront nommés. Mais je vois mal qui pourrait passer au-dessus de Drunk dans mon estime. Voilà, je le dis clairement. Allez voir Drunk, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment un film qui fait du bien tout en. tout en voilà sachant mettre une petite pointe un peu dramatique qui va pas être moralisateur, ça c'est très important, c'est pas un film qui est moralisateur, c'est pas un film qui va vous dire hey, boire c'est mal ou alors hey, boire c'est génial, voilà. C'est il y a pas de côté manichéen dans le truc, il y a pas de morale, c'est vraiment chacun se fait sa propre interprétation et ça c'est absolument génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là dans le film. Et de toute façon, voilà, j'ai beaucoup aimé le film tout court, donc allez voir Drunk, voilà, allez voir Drunk absolument, c'est une pépite, voilà, je n'en redirai jamais assez. Pareil qu'A Dieu les cons, je pense que ce sera un film trouvable un peu partout, les deux sont sortis, enfin Drunk est sorti le 14 octobre, A Dieu les cons le 21, donc bon, ils n'ont pas eu non plus un temps d'exploitation énorme, donc voilà, je pense que ce sera trouvable un peu partout, puisque ça fait à la fois cinéma un peu auteur et un peu grand public, c'est un peu en entre-deux, donc je pense que ce sera trouvable dans des salles d'arrêt-essai, tout comme dans des multiplex, voilà, donc je pense pas que vous devriez avoir des problèmes pour trouver ce film. Allez voir Drunk, ça tue, vraiment, c'est génial. Et voilà, si vous avez pas été convaincu, ce qui est fortement dommage, parce que ce film est une pépite, voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle recommandation, bien sûr, à voir en salle. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about